dans sa peau si je prends rendez-vous. Autant de monnaie pour si peu d'amour. Secret professionnel, chute, ça reste entre nous. Tu sais, je t'aime qu'avec des barisés. Tes selfies sont un genre de poésie. Ils parlent de la vie, après minuit. Celle qui fait bander car force on oublie. Comme un rapier, moi j'attends mon tour. Je rêve d'être pétard dans les alentours. À ce qui paraît, tu maîtrises bien la langue. Tes fellations sont comme des calembours. T'as vu, j'ai signé, je peux faire de ma gueule. T'as le monde à tes pieds, je bouge de ma feuille. Je regarde cette bitch et je me dis que c'est la mienne. Comme si personne d'autre pouvait la ken. Alors qu'il suffit de quelques billets pour la déshabiller. Oui, la bitch isillée. Elle ne fait pas dans le trop câliné. Sa nudité n'est même pas raffinée. D'ailleurs, cette bitch, au fond, c'est toutes les mêmes. Je vais rentrer fumer. Elles n'en valent pas la peine. Je vais mater des chaînes porno, voir des chiennes prendre gros. Je suis un négro qui ne véhicule que la haine. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed. Défoncé, j'expire, vrai OG. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed. Dans mon regard, souvent dans le soir, je fume un gros pétard. Ton porte-jartel fait l'effet d'un violent baiser dans le cou. Que du vice, un pincement de clitoris, tu vas succomber. Tu danses à peine, la triquette à l'avance au rendez-vous. Que plus lisse, un claquement de clitoris, tu vas suffoquer. Bien si c'est sans erreur dans les détails. Joli garce comme dans la team de Chai. Romantique, tu cherches l'amour de campagne. Je t'enculerai donc sur un fétu de